Please close your eyes. Let's pray. Father, I want to bless you tonight for your kingdom, for your goodness, your mercy. Father, we thank you for life. We thank you for your grace. We thank you for what you have done. Father, we thank you for tonight. We pray as that your presence will come and lead us. Holy Spirit, come and touch our heart. Come and heal us. Come and change us. Come and bless us. Come and open our eyes, Lord, in the name of Jesus. Father, I pray that everyone that is here will be blessed tonight. Lord, we will not live here the same. Father, we will see a new thing in our lives in the name of Jesus. We give you glory, and everyone say amen. I give my soul away. Yeah, je me donne tout à toi. Sers-toi de moi, je me donne tout à toi. Alléluia. Oh, oh, je me donne tout à toi. Sers-toi de moi, je me donne tout à toi. À toi, est-ce que tu peux lever la main? Dis, je me donne tout à toi, je me donne tout à toi. Oh, je me donne tout à toi. Serre-toi, je me donne tout à toi. Je t'appartiens, je me donne à toi. Ma vie ne m'appartient. Oh, je t'appartiens. Je me donne à toi. Oh, dis ma vie. Ma vie n'est pas à moi. Je me donne à toi. Pour une dernière fois, ma vie n'est pas moi. Oh, je me donne. Adorer le Seigneur ce soir. Oh, bless you, Lord. Father, we bless you, Lord. Father, we thank you, Lord. We give our life to you, Lord. Take control, Lord. Take control. Be in charge, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bless you. We bless you. We honor you. Hallelujah. Shall we clap our hands all along? Applaudissons pour le Seigneur. Hallelujah. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes béni? Oui. Yeah, Dieu t'a donné la grâce ce soir. Son visage brille sur toi. Alléluia. Wow. Je suis content de voir. Où sont les autres? Alléluia. Amen. Yeah. So, this evening, one of just share something short. Ce soir, nous voulons partager quelque chose de très court. Alléluia. Amen. Are you ready to receive? Êtes-vous prêt à recevoir? Yeah. What is anakazo? Qu'est-ce que anakazo? What is anadea? Qu'est-ce que anadea? What is biazo? Qu'est-ce que biazo? Wow. They are not incantations. Ce ne sont pas des incantations. Hallelujah. Amen. They are Hebrew words. Ce sont des mots hébreux. That we find in the Bible. Que nous retrouvons dans la Bible. And as you learn them. Et alors que tu les apprends. They are going to help you. Ils vont t'aider. As a person. En tant que personne. As a Christian. En tant que chrétien. Hallelujah. Amen. As a boy or a girl. En tant que fille ou garçon. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Anakazo. Anakazo. Say Anakazo. Eat Anakazo. Biazo. And Anadea. Anadea. Wow. Anakazo. Okay? In Luke chapter 14. Dans Luc chapitre 14. Verse 23. Hallelujah. Luke chapter 14. Luc 14. Verse 23. Verset 23. It's a story that we all know. C'est une histoire que nous connaissons tous. Hallelujah. Amen. Verse 23. Verset 23. Yep. Okay. Okay. I want you to read from verse 16 to 23. Okay, verset 16 à 23. So that you can understand it. Okay. Luc 14, verset 16. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et ramène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Wow. Have you seen the story? Avez-vous vu l'histoire? Yeah, they've organized a party. Ils ont organisé une fête. A certain man has organized a party. Un certain homme a organisé une fête. And invited some people. Et il a invité quelques personnes. And they didn't come. Et ils ne sont pas venus. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. This story is about the church. Cette histoire concerne l'église. Hallelujah. Amen. Yeah. God has a good news for people. Dieu a une bonne nouvelle pour les gens. Hallelujah. Amen. And invite people come. Il invite les gens, venez et écoutez. Come and hear the good news. Viens et écoutez la bonne nouvelle. They didn't come. Ils ne sont pas venus. Hallelujah. Amen. So as you can see around you, see they didn't come. Donc comme tu peux voir autour de toi, il y a des chaises vides. Hallelujah. So he told them, go and invite other people. Donc il leur a dit, allez-y et invitez d'autres personnes. Go on the highway. Va dans les chemins. Go onto the highway. Va dans les chemins. Invite cripples. Invite les infirmes. Invite the sick. Invite les malades. Hallelujah. Amen. Let them come and eat. Qu'ils viennent et manger. At the table. À la table. Hallelujah. Amen. And the servant said. Et le serviteur a dit. What did he say? Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Ah! He said, all that you've said, I've come to invite all the people. Il a dit, j'ai invité toutes But les personnes. Still room. Mais il y a toujours de la place. Wow. Wow. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And he gave a commandment. Et il a donné un commandement. Verse 23. Verset 23. Go into the highways and the hedges and compel them to come in that my house may be filled. Il a dit, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Compel them. Contrains-les. The word compel. Le mot contraindre. Is the word anakazo. C'est le mot anakazo. In Hebrew. En hébreu. Compel them. Contrains-les. Compel them. Contrains-les. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Sometimes we have to compel them to come. Parfois nous devons leur contraindre à venir. What's the meaning of anakazo be compel? Quelle est la signification d'anakazo ou bien de contraindre? Compel means what? It means to necessitate. Contrainte dit de susciter ou nécessité. Nécessité. Nécessité, what does it mean? Nécessité veut dire quoi? Nécessité means to make it necessary. Ça veut dire rendre quelque chose nécessaire. Yeah, make it necessary. Rendre ça nécessaire. Make it important. Rendre ça important. Hallelujah. Amen. That's to necessity. Make it important for the person to come. Rendre ça important pour que la personne vienne. You understand? Est-ce que vous comprenez? Because some people, some of you who talk about nakaz, you don't understand it. Parce que ceux qui parlent d'anakaz ne comprennent pas ça. Nécessité. Nécessité. Make it necessary. Le rendre nécessaire. To drive. Pour attirer, conduire. Drive the person. Attirer la personne. Hallelujah. You drive. Tu attires. You constrain. Tu contrains. By all means. Par tous les moyens. Such as force. Comme la force. Such as threats. Comme les menaces. Threats. Les menaces. Yeah. If you don't come to church, you go to hell. Si tu ne viens pas à l'église, tu iras en enfer. Yeah. You go to hell. Tu iras en enfer. And persuasion. Et la persuasion. And entreaties. Entreaties. Et les conseils. Entreaties. Are you sure entreaties? To encourage. Yeah. Encourager. Entreaties. Encourager. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Mm-hmm. Yeah. So anakazo is a Greek word. Donc anakazo est un mot grec. Which is translated compel. Qui est traduit to compel somebody. Contraindre quelqu'un. To constrain somebody. Contraindre quelqu'un. Hallelujah. To necessitate. Make it necessary for the person. Rendre ça nécessaire pour la personne. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Wow. You see that anytime you invite somebody. Vous savez, chaque fois que vous invitez quelqu'un, people have excuses. Les gens ont les excuses. When the man asked, invited them, they started to give excuses. Quand l'homme les a invités, ils ont commencé à donner des excuses. Everybody. Tout le monde. The three people. Les trois personnes. One said what? L'un a dit. One said what? Read it. Read the verse. One said what? I have. Okay. One, un a dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. In the night. Dans la nuit. Party in the night. It's une fête dans la nuit. They are doing party in the evening. They say, I'm going to the farm. On fait une fête le soir et tu dis, tu vas au champ. Hallelujah. Jardin. Hein? You see that people will give excuses all ouais, the time. Les gens vont donner des excuses à tout moment. And then the next one said what? Et le suivant a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. In the night, you are dans going la to nuit. Look at dans la nuit. Your sheep in tu, the night. Tu vas regarder tes bœufs dans la nuit. And the third one said what? Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. If you are married, you take your wife and you go to the party. Si tu es marié, prends ta femme et va à la fête. You want to go out or? Vous voulez sortir ou bien? Yeah. And they invite you for a party and say you are married. So. On t'a invité à une fête et tu dis tu es marié donc. Have you seen that a lot of excuses are empty excuses? Est-ce que vous voyez que beaucoup d'excuses sont vides? Yeah, empty. Vides. They don't have. They don't. They are not true. Elles ne sont pas vraies. It's not true. C'est pas vrai. A lot of excuses people give are not true. Beaucoup d'excuses que les gens donnent ne sont pas vraies. Yeah, that's why you need to compel. Voilà pourquoi tu dois les contraindre. Necessitate. Les nécessités. Hein? Threaten. Menacer. Or by force, by threats. By ou force. Par la force et les menaces. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Are you here? Êtes-vous là? Anakazo. Anakazo. Yeah. Yeah. Some of you are here. You have to anakazo yourself. Certains d'entre vous ici, vous devez anakazo, vous devez vous anakazo vous-même. Before you can be a good Christian, you have to anakazo yourself. Avant d'être un bon chrétien, tu dois être anakazo. Yeah. Yourself. Toi-même. Because if you can't anakazo yourself, you can't anakazo somebody. Parce que si tu ne peux pas faire anakazo à toi-même, tu ne peux le faire à personne. Have you seen the thing? Avez-vous vu la chose? An anakazo person does not give excuses. Une personne anakazo ne donne pas d'excuses. It's not moved by excuses. Il n'est pas touché par les excuses. He doesn't care about what excuses you are giving. Il s'en fout des excuses que tu donnes. Hallelujah. Mm-hmm. An anakazo person doesn't miss a meeting. une personne en acaso ne manque pas une réunion. Nothing. It's rien. Raining, it's coming. Il pleut, il vient. It's shining, it's coming. Il brille, il vient. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Amen. Yeah. An acaso person doesn't cancel a meeting. Une personne en acaso n'annule pas une réunion. Doesn't cancel. Il n'annule pas. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? Now you understand Anakazo. Yeah. Maintenant vous comprenez Anakazo. Aïe. Êtes-vous là? Do you understand Anakazo now? Wow. Have you realized that you need to Anakazo yourself? Avez-vous réalisé que vous devez vous Anakazoer? Please. Please, we beg. What's the meaning of that? Hallelujah. Amen. Because you know the world, the system in which we live now. Parce que vous savez le système dans lequel nous vivons maintenant. If you don't use anakazo, si tu n'utilises pas anakazo, you can't be a good Christian. Tu ne peux pas être un bon chrétien. You will not even come to church. Tu ne viendras même pas à l'église. Yeah? You come back from school, you are tired. You can say I'm tired and can't. Tu reviens de l'école, tu peux dire je suis fatigué, je dois me reposer. Yeah? But anakazo person doesn't give excuse. Mais une personne anakazo ne donne pas d'excuse. So from school, you say I'm coming to church. Donc depuis l'école, tu dis je m'en vais à l'église. Oh? Ou bien. Yeah. Yeah. I think that the new members of Lighthouse, they don't know a lot about Anakazo. Je pense que les nouvelles personnes à Lighthouse ne connaissent pas beaucoup sur Anakazo. When you see the older people, vous voyez les anciennes personnes, they are always there. Sont toujours là. It's raining. Il pleut. It's offended. Ils sont offensés. What? What again? Quoi encore? What are the things, the excuses that you give? Quelles sont les excuses que vous donnez? Light off. Coupure. What again? Encore. What again? No money. Pas d'argent. What again? The excuse that you give. Les excuses que tu donnes. It's far. C'est loin. It's far. You see an Akazo person. The church is closing at 8:30. Tu vois une personne en Akazo, l'église termine à 8:30. At 8:30. Ça finit à 20:30. An Akazo person has closed from school at 8. Une personne en Akazo a terminé l'école à 20:00. Il vient à l'église. By the time he comes to the door, oh, we've closed. So okay. You go home. D'ici quand il arrive à la porte, on aura terminé. Il va dire okay et il va rentrer. Yeah, anakazo person. Une personne anakazo. How about you? You are closing at 5:00. The church is starting. So I've gone to school, so I can't come to church. Toi, tu finis à 17:00 et l'église a commencé. Tu dis oh, je reviens de l'école, je dois aller à la maison. Yeah. That's not anakazo. Ça c'est pas anakazo. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Anakazo. Anakazo. That's what has helped the church. C'est ce qui a aidé l'église. That's what has helped a church members to be established. C'est ce qui a aidé les membres de l'église à s'établir. Yeah. You see somebody who's committed. Tu vois quelqu'un qui est dédié. Somebody who's faithful. Qui est fidèle. And you see all the anakazo people, they are faithful in their marriage. Et toutes les personnes anakazo sont fidèles dans leur mariage. If you're not anakazo, you don't have that. You are likely not to have a good marriage. Si tu n'es pas anakazo, tu risques de ne pas avoir un bon mariage. Check, you see. À l'église, vous allez le voir. Anakazo person is faithful. Une personne anakazo est fidèle. Faithful. Fidèle. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Oh, Charlie. Let's do biyazo. Voyons biyazo. We just look at the three words, then we close. Nous allons juste voir les trois mots et nous allons terminer. Wow. Biyazo. Biyazo. Who has not heard the word before? Qui n'a pas encore écouté ce mot auparavant? Biyazo. Hey, biyazo. Top chrono, you don't know biyazo. Top chrono, tu ne connais pas biyazo? Matthew chapter 11, verse 11 and 12. Matthieu 11, verset 11 à 12. Read it. Just that. Very I say unto you, Matthew 11, 11 and 12. Matthieu 11, 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Matthieu 11, 11 à 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Wow. Are you here? Êtes-vous là? From the days of John the Baptist. Depuis le temps de Jean-Baptiste, the kingdom of God suffered violence. Le royaume de Dieu est soumis à la violence. Only the violent. Et c'est seulement les violents who have succeeded. Qui ont réussi. Who are able to go on. Qui sont capables de continuer. Hallelujah. Before you go to the kingdom of heaven, avant d'aller au royaume des cieux, you need violence. Tu as besoin de violence. You need force. Tu as besoin de force. You need to force yourself. Tu dois te forcer toi-même. Hallelujah. You need to force yourself to come to church. Tu dois te forcer pour venir à l'église. You can't come to church. Si tu t'assois, tu ne pourras pas venir à l'église. Don't force yourself. Si tu ne te forces pas, I forced myself this evening to come to church. Je me suis forcé moi-même ce soir pour venir à l'église. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai from dit? From 3 o'clock. Depuis 3 heures. Then we started a conference meeting. Depuis 15 heures, on a commencé une réunion. Then we talk, on a parlé à 5:30, you have close. Jusqu'à 17h30, on a terminé. Church service, I have to come to church. Et je dois venir à l'église. Then traffic. Et l'embouteillage. I have to force. Je devais forcer. I have to force. Je devais forcer. If I don't force, I won't come. Parce que si je ne forçais pas, je n'allais pas venir. If you just sit down, you won't come to church. Tu t'assois juste, tu ne viendras pas à l'église. Yeah. Some of you, if you force yourself. Certains d'entre vous êtes forcés. It wasn't easy, but you forced yourself. C'était pas facile, mais tu t'es forcé. Tu t'es forcé. That's how it is. C'est comme ça que c'est. Hallelujah. Mm. Is it true or is not true? Est-ce vrai ou faux? Yeah. It's like, actually, to the church, it's not easy. You have to come. Hey, but you get up. You got up and came. Mais tu t'es levé et tu es venu malgré la difficulté. Yeah. You have to force. Tu dois te forcer. You have to force to pray. Tu dois t'efforcer à you have prier. To force to read your Bible. Tu dois t'efforcer à lire ta Bible. You have to force yourself not to fornicate. Tu dois t'efforcer toi-même à ne pas forniquer. You see that challenge, your body wants it. Tu vois que ton corps le veut. Ton corps le veut. Yeah. Hallelujah. Amen. The kingdom of heaven. Le royaume des the cieux. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Was taken by force. A été pris par la violence. The violence. C'est seulement les violents. Those who are violent. Ceux qui sont violents. Hallelujah. Amen. It's not like violence when beat people. No. C'est no, pas no. La violence où tu vas frapper des gens. You are forcing yourself to enter. Tu t'efforces à entrer. You are forcing yourself to do the will of God. Tu t'efforces à faire la volonté de Dieu. Sing. Tu t'efforces à chanter. Yourself to learn. Tu t'efforces à apprendre. Tu t'efforces. Tu t'efforces à être dans la volonté. Yeah. You take just television. Prenez juste la télévision. Just television. You're watching television. Tu suis la télévision. You can easily be an unbeliever. Tu peux facilement devenir un croyant. Is it true or is not true? Est-ce vrai ou faux? Yeah. You have to force yourself to say, this thing, I won't watch it. Tu dois t'efforcer à dire cette chose, je ne vais pas suivre ça. If you don't watch it, if you don't force yourself, you watch it. Si tu ne t'efforces pas, tu vas regarder. Is it true or is not? Est-ce vrai ou faux? Do you know why you need biazo? Vous savez pourquoi vous avez besoin de biazo? Now, do you understand why you need biazo? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez besoin de biazo? Biazo. From the days of John the Baptist. Depuis les jours de Jean-Baptiste. Until now. Jusqu'à présent. Now. À maintenant. The world is such that now. Le monde est tel que maintenant. It's not easy to be a Christian. C'est pas facile d'être un chrétien. Yeah, it's not easy to be a Christian. C'est pas facile d'être un chrétien. You have to force yourself. Donc tu dois t'efforcer. Wow. Wow. Are you going to force yourself? Vas-tu t'efforcer? Are you going to biazo yourself? Vas-tu te biazo? Biazo yourself. Hey. Te biazo. Wow. And you see, even in this life. Est-ce que c'est dans cette vie? This life, even your studies, même tes études, your school, ton école, things will not move if you don't move. Les choses ne vont pas bouger si tu ne bouges pas. Yeah. You will not pass if you don't force yourself. Tu ne vas pas réussir si tu ne t'efforces pas. Yeah, it's a principle of this life. C'est un principe de la vie. Yeah. If you don't force yourself, you can't do certain things. Si tu ne t'efforces pas, tu ne peux pas faire certaines choses. Wow. Biazo. Biazo. Biazo. Biazo. Tell your neighbor biazo. Dis à ton voisin biazo. Yeah. Tell your neighbor, I'm a man of biazo. Dis à ton voisin, je suis un homme de biazo. Man of biazo. Un homme de biazo. Avez-vous vu? I like the word. J'aime le mot. Biazo. Biazo. A lot of people don't use anakazo and biazo. Beaucoup de personnes n'utilisent pas anakazo et biazo. For example, if you watch the dancers. Par exemple, si tu regardes les danseurs. Anakazo and biazo is lacking. Tu vois que anakazo et biazo manquent. In the choir. Dans la chorale. Anakazo manque. Biazo is missing. Biazo manque. It's missing. Ça manque. There's no force. People are not forcing themselves to do the will of God. Les gens ne se forcent pas à faire la volonté de Dieu. But from today, you are going to force yourself. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas te forcer. A change in your life. Un changement not de ta only vie. Only for church, but yourself. Pas seulement pour l'église, mais pour toi-même. Yeah. Yourself. Pour toi-même. The other time I was in the office, I was talking to my colleague. La dernière fois, j'étais au bureau, j'ai parlé à mon collègue. Even where we are. Je dis même où nous sommes. It's like we have to force ourselves to even read and learn again. Comme nous devons encore nous efforcer à lire à tout moment. And learn all the time. Et apprendre à tout moment. If you don't learn, you'll be left behind. You move forward. Si tu n'apprends pas, tu seras laissé derrière et les gens vont avancer. This is the time to read, though. Ça c'est le moment pour lire. This is the time to read. C'est le moment pour lire. Read. Lire. Read. Lire. Get knowledge. Acquérir la connaissance, acquérir la compréhension. Yeah. Those who have knowledge, they are the ones ruling us. Ceux qui ont la connaissance, c'est ceux qui nous dirigent. Yeah. They are ruling us. They are in charge. Ils sont en charge. So the course you are doing, you have to read. Donc la formation que tu fais, tu dois lire et apprendre. Tu dois apprendre. You have to force yourself. Tu dois t'efforcer. Hallelujah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? I was telling somebody that me, I learned English like mathematics. J'ai dit à quelqu'un que moi j'ai appris l'anglais comme les mathématiques. Yeah. I've asked somebody to write a love letter 2 pages to me. J'ai demandé à quelqu'un de m'écrire une lettre d'amour de 2 pages English, en anglais. Yeah. She said she has finished English course. Elle a dit qu'elle a fini les cours d'anglais. And I said, okay, write to me 2 pages of love letter. Donc j'ai dit, écris-moi 2 pages d'une lettre d'amour. Can you write it? Peux-tu l'écrire? 2 pages. 2 pages. In English. En anglais. Yeah. Can you write? Can you write? Peux-tu écrire? On my school, 2 pages. Sur ton école, 2 pages. Can you write it? Peux-tu l'écrire? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. You have to know that when you ask you to write on a topic. Vous devez savoir que quand on vous demande d'écrire sur un sujet. Of the topic. What of the topic? Le quoi du sujet? Why of the topic? Le pourquoi du sujet? When of the topic? Le quand du sujet? Who of the topic? Le qui du sujet? And what else? Where of the topic? Et le où du sujet? That you have 20 pages. Tu verras que j'aurai 20 pages. Some of you don't know. Certains d'entre vous ne connaissez pas. You just start writing a 2 sentences. Tu commences juste à écrire. 2 sentences. You don't know what to write. Et tu as écrit 2 phrases et tu ne sais plus quoi écrire. Yeah, you have to learn. You have to learn. Tu dois apprendre. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? You have to learn. Tu dois apprendre. Nobody will learn for you. Personne ne va apprendre pour toi. Nobody. Personne. If you don't do it, won't come. Si tu ne le fais pas, ça ne viendra pas. Yeah. Hallelujah. Amen. Will you biazo yourself? Vas-tu te biazo? In your life. Dans ta vie. Yeah. Your life. As a Christian. Dans ta vie en tant que chrétien. As a girl. En tant que fille. As a boy. En tant que garçon. You have to use biazo. Tu dois utiliser biazo. Yeah. To serve God. Pour servir Everything Dieu. Everything is not easy. Tout n'est pas facile. Getting money is not easy. Avoir de l'argent, c'est pas facile. Yeah. Getting money is not easy. Avoir de l'argent, c'est pas facile. You, when you finish school, then you see. Quand tu finiras l'école, you verras. You understand what I'm saying. Tu comprendras de quoi je parle. Then you appreciate your parents. Et tu vas apprécier tes parents. Who are sending money to you every month. Qui t'envoient l'argent tous les mois. Yeah, you see that getting money is not easy. Tu verras qu'avoir de l'argent, c'est pas facile. Yeah. You have to force. Tu dois t'efforcer. Hallelujah. Are you here? So don't forget Matthew 11, verse 12. Donc, n'oublie pas Matthieu 11, 12. 11 à 12. Oh, Charlie. Hallelujah. Are you here? Yeah. Anadeia. Wow. Luke chapter 11, verse 8. Luke 11, verset 8. Luke chapter 11, verse 8. Luke 11, verset 8. Yeah. Are you learning something today? Apprenez-vous quelque chose aujourd'hui? Ok. Ok, read from verse 2. To 8. Luc chapitre 11, verset 2 à 8. Ok. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le retrouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à l'offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? He said, I say unto you, verse 8, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Amen. Wow. Because of his importunity. À cause de son importunité. Importunity is anadeia. Importunité, c'est anadeia. Hallelujah. Mm-hmm. Anadeia. I've not given you the spelling, eh? Sure. Anadeia is A-N-A-I-D-E-I-A. A-N-A-I-D-E-I-A. Anadeia. Biazo. B-I-A-Z-O. Ok. Anakazo. A-N-A-G-K-A-Z-O. Il y a G-K. Anakazo. Anagkazo. Anagkazo. A-N-A-G K-A Anakazo K-A-Z-O Anakazo, Biazo, et puis Anadea. Ok? C'est bon? Yeah. Donc, importunity. Importunité. Est Anadea. C'est Anadea. Yeah, Anadea. Anadea. What is Anadea? Qu'est-ce que Anadea? He said, somebody went in the night, he's traveling and it was late. Quelqu'un allait voyager, il faisait tard. Or he received his visitor. Ou il a reçu des visiteurs. In the night. Dans la nuit. And he needed to give him food to eat. Et il devait leur donner la nourriture à manger. But he didn't have food. Mais il n'avait pas de nourriture. But his neighbor, mais son voisin, a friend, son ami, has food. Avait de la nourriture. So he went to ask. Donc il allait demander. Went to knock the door. Il allait cogner à la porte. Please, I have a visitor. Can you give me food? S'il te plaît, j'ai un visiteur. Peux-tu me donner de la nourriture? Can you come and give me food? Peux-tu venir me donner de la nourriture? Hallelujah. Amen. And Bible say that verse 8. He's saying. La Bible dit dans verset 8. I say unto though he will not rise and give him, but because of his friend. Yet, because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Et la Bible dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Yeah. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? He said he will not, even though he's not his friend, he will not rise and give him. Il dit, même si c'était son ami, il ne se serait pas levé pour lui donner. But because of his importunity. Mais à cause de son importunité. Wow. It means that you can use importunity to get a lot of things. Ça veut dire que tu peux utiliser l'importunité pour avoir beaucoup de choses. Do you understand? It's not because you are my friend. C'est pas parce que tu es mon ami. But because you came in because of your importunity. Mais à cause de ton importunité. Je te donnerai. Yeah, but because his importunity, he gave him what he needed. À cause de son opportunité, he il lui a donné autant qu'il voulait. Hallelujah. Amen. What's Anadea? Anadea is shamelessness. Anadea, c'est être sans honte. Shamelessness. Sans honte. Shamelessness. Sans honte. You are not shameful. Tu n'es pas honteux. Hallelujah. Amen. You don't care. Tu t'en. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? He wasn't ashamed that he was asking for bread. Il n'avait pas honte qu'il demandait du pain. Certains d'entre vous n'avez pas un Ghana pour prendre le bus et venir. But because you don't have an Adea, mais parce que tu n'as pas un Adea, you won't ask. Tu ne vas pas demander. Because you are ashamed for you feel shy. Parce que tu es honteux, tu es timide. You are shy, you won't tu es timide, donc tu viens. And you are suffering. Et tu souffres. You haven't eaten since morning. You can't walk. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu peux même and pas marcher. Go and say that, Charlie, I'm hungry. Oh, please give me something to eat. Pour aller dire, Charlie, j'ai faim. Donne-moi quelque chose à you manger. You will die. Tu vas mourir. Because you don't have an Adea. Parce que tu n'as pas un Adea. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? There are certain things that you people say, like, oh, me, I'm shy. No, me, I'm not like that. Certaines personnes vont dire, oh non, moi, je suis timide. Je ne suis pas comme ça. In our family, we don't ask things. Dans notre famille, on ne demande pas des choses. You don't ask things. And you are suffering. Et toi, tu souffres aussi. And you are in a crowd. You are not in your family. Your family is somewhere. You are here. Ta famille est quelque part et toi, tu es ici à Accra. And you are suffering. Et tu souffres. So you say, what? The person sitting by you. Et ton ami s'assoit à côté de toi. Il mange le tchèque, il mange le riz. Il mange le riz du Bénin. Et tu regardes et parce que tu es timide, tu ne vas pas demander. You eat all, and you see. Tu vas tout manger. You see that you can use an Adea to get a lot of things. Vous voyez que vous pouvez utiliser un Adea pour avoir beaucoup de choses. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Wow. Amen. In the kingdom, dans le royaume, we need an Adea. Nous avons besoin d'un Adea. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. The world is not shameful. Le monde n'a pas honte. Yeah. The world is not shameful. Le monde n'est pas honteux. Yeah. They want to show their breasts. Ils veulent. They want to show their. Ils veulent montrer leurs seins, leurs choses. They are doing all sorts of things. Font toutes sortes de choses on the TV, à la télé. Yeah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. They are doing adverts. Ils font la publicité of alcohol. De l'alcool. And they are not shameful. Et ils ne sont pas honteux. Yeah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And but the Christian is shy. Et le chrétien, il a honte. You can't take your Bible at Alajo. Tu ne peux pas prendre ta Bible et marcher à Alajo. You put it in the bag. Tu mets dans le sac. You live in your house. You don't want them to know that you are a Christian. Dans ta maison, tu ne veux pas qu'ils sachent que tu es chrétien. So you see that people are holding bags. Donc tu vois que les gens attrapent des sacs. Yeah. Anadea. Anadea. Yeah. Wow. Anadea. Anadea. Because of his importunity. À cause de son importunité. Because of his importunity. À cause de son importunité. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Christian is shy to pray. Le chrétien a honte de prier. Is it pray in tongues? On dit prie en langue. A lot of you are shy. Beaucoup d'entre vous, vous avez honte, ne voulez pas prier. Anadea. Shamelessness. Sans honte. Shamelessness. Sans honte. Shamelessness. Sans honte. You can't tell your student, your classmate that you're a Christian. Tu ne peux pas dire à tes camarades de classe que tu es chrétien. That you speak in tongues. Que tu parles en langue. Tu es honteux. Wow. Hallelujah. Now you understand the word. As a Christian, you don't have to be shameful. En tant que chrétien, tu ne dois pas être honteux. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Parce que c'est la puissance. Yeah. It gives you power. Il te donne la puissance. The gospel gives you power. Parce qu'il te donne la puissance. You are not ashamed to talk about Christ. Tu n'as pas honte de parler de Christ. Yeah. In your house. Dans ta maison. Maybe you've done something bad before. Peut-être que tu as fait quelque chose de mauvais auparavant. So the people don't listen to you. Donc les gens ne t'écoutent pas. So now you are shy to say that you are a Christian. Donc tu as honte de dire que tu es chrétien. Hey, Charlie. Our behavior. So. Nos comportements. Yeah, our behavior. At school. À l'école. Yeah. At school, you're a womanizer. À l'école, tu es un coureur de jupons. So now you are shameful. Donc maintenant tu as honte. Yeah, but you can rise up above that. Mais tu peux te lever au-dessus de ça. Yeah. Anadea. Anadea. You are not ashamed. Tu n'as pas gospel. Honte. Tu n'as pas honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Tonight, God wants to make you a new person. Ce soir, Dieu veut faire de toi une nouvelle personne. Une personne d'anakazo. You rise up. Tu vas te lever. No excuse. Pas d'excuse. I'm not ready for excuses. Je ne suis pas prêt pour des excuses. I'm going. Je m'en vais. I'm learning. J'apprends. I'm forcing myself. Je m'efforce. Biazo. Biazo. J'utilise Biazo. Je m'efforce. I'm not shameful. Je n'ai pas honte. Yeah, to call myself a Christian. De m'appeler chrétien. To talk about Christ. De parler de Christ. Yeah. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Have you learned something tonight? Avez-vous appris quelque chose? It's going to help us. Va nous aider. It's going to help us. Va nous aider. I want us to put it in practice. Je veux que nous le mettions en pratique. Yeah. In practice. En pratique. Can you anakazo somebody to church on Monday? On Sunday. Peux-tu anakazo quelqu'un à l'église le dimanche? Yeah. Use Biazo. Utilise Biazo. Use Anadea. You are not ashamed. Tu n'as pas honte. You go, you tell the place, ah, but you people, Lighthouse, you don't care. Même si les gens te disent, ah, vous, Lighthouse, because t'en fous. Parce qu'ils nous insultent. Yeah. The other time I was telling somebody at Lighthouse. They were insulting Lighthouse before I joined Lighthouse in 1995. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, ils ont commencé à insulter Lighthouse avant que je rejoigne Lighthouse en 1995. Yeah. The same thing, though. La the même thing chose. That you're hearing today. Les choses que tu écoutes aujourd'hui. The same thing. C'était la même chose. Before I joined. Avant que je ne rejoigne. And we've grown bigger. Et nous sommes devenus plus grands. And we've grown richer. Et plus riches. Because at that time I was poor. Parce qu'à ce moment j'étais pauvre. They've insulted us and become rich. Ils nous ont insultés et nous sommes devenus riches. Yeah. So when you are saying it, I don't want to even hear it. Donc ce que tu dis, moi je veux même pas écouter. Yeah. But I'm waiting for somebody to come and tell me because I've not heard. Nobody has come to tell me. Before. Mais j'attends quelqu'un qui a venu me dire parce que personne ne m'a encore dit ça. It's you that you have heard and come and tell me. C'est vous qui avez écouté et vous êtes venu me dire. I have not heard. Nobody has come to tell me directly. Personne n'a encore venu me dire directement. Yeah. You see, when you have an attitude, vous savez, quand vous avez une attitude, an attitude that I don't want to listen to those things, que je ne veux pas écouter ces choses, personne ne te dira. Nobody will tell you. Personne ne te dira. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. I'm not ashamed. Say that we are hot. Je n'ai pas honte. Are you saying that we are light or we are hot? Ils disent que light or nous sommes quoi? I don't care about it. Je m'en fous de ça. Anadea is inside my blood. Anadea est dans mon sang. So, you say it, I don't care. Donc tu le dis, je m'en fous. Yeah. Do you understand? Tu comprenez? Yeah. And I always say that sometimes you see that maybe one person. Je dis souvent parfois une personne. Yesterday I went to church. Pastor Jeremy was telling me that some boy has come from jail. La dernière fois, hier j'étais à l'église et Pastor Jeremy me disait que quelqu'un est venu de. Yeah, a member of the church. Un membre d'église. Has been put to jail. Il a été mis en prison. And they released him and he's come to church. On l'a relâché. Il est venu à l'église. So if that person is in jail, are you saying that Lighthouse is in jail? Donc si cette personne est en prison, est-ce que vous allez dire que Lighthouse est en prison? Non. Non. There are 99% members of Lighthouse. Il y a are not in prison. 99% des membres de Lighthouse ne sont pas en prison. And they are not like that person. Ils ne sont pas comme so cette personne. So you can't say that because of that person, light, the whole lighthouse is in prison. Donc est-ce que vous voulez dire qu'à cause de cette personne, tout lighthouse est en prison? And you see, our doors are open wide. Vous voyez, nos portes sont grandement ouvertes. Wide, so all sorts of people are here. Donc toutes sortes de personnes sont là. Yeah? All sorts of people. Toutes sortes de personnes. Thieves. Les voleurs. What again? Liars. Les menteurs. Because you cry, you've lied today. Même toi-même, tu as menti aujourd'hui. You've lied today. Toi, là, tu as menti aujourd'hui. Should God sack you? Should I sack you to go? Devrais vous chasser pour vous partir? No. Everybody non. Come. Tout le monde, venez. God, the Holy Spirit can arrest you. Le Saint-Esprit peut t'arrêter. Yeah? Because people have changed over the years. C'est parce que les gens sont changés au fil des temps. Les prostituées ont changé. Les voleurs ont changé. Les braqueurs ont changé. When the bishop said, went to prison, he went to preach there. Un jour, l'évêque a dit il allait en prison because pour prêcher. There, somebody said, what? He said, mercy. What a shock. Il prêchait et quelqu'un a dit miséricorde, quel choc. Et il a dit hey. So you see, the church is such that a lot of different types of people are in the church. Donc l'église est telle que différents types de personnes y sont. A lot. Beaucoup. We can't sack them. Nous ne pouvons pas les chasser. Because it's the house of God. Parce que c'est la maison de Dieu. Et nous croyons. All of us were changed in the church. Nous tous avons été changés dans l'église. This story is not true. Est-ce vrai ou faux? Yeah. And we are being changed again and again and again. Et nous sommes changés encore et encore et encore et encore par la parole. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. So people who talk, when they talk, I don't care. Donc les gens vont parler. Quand ils parlent, moi je m'en fous. Because I know what I have. Parce que je sais ce que j'ai. I know what I'm serving. Je sais ce que I je know sais. Whom I'm serving. Je sais qui je sers. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So don't be moved by things. Donc ne sois pas touché par les choses. Is not moved by excuses. Une personne à la case, on n'est pas touché par les excuses. By those things. N'est pas touché par ces you choses. Don't even listen. Tu n'écoutes même pas. Yeah. Bishop will say that he would like to listen to his dog's bark than to listen to people criticizing him. Il dit qu'il préfère écouter ses chiens aboyer plutôt que d'écouter les gens critiquer. He would prefer to listen to his dog's bark. Il va préférer écouter ses chiens aboyer. Yeah. Because the truth is the truth. I mean, parce que la vérité, c'est la vérité. You can't change it. Tu ne peux pas la changer. Talk, tu vas parler. The truth is the truth. La vérité, c'est if la vérité. Bad, you will see it, si c'est mauvais, bad. On verra que c'est mauvais. If it's good, we will see. Si c'est bien aussi, on verra. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Anakazo. Anakazo. Biazo. Biazo. Anadea. Anadea. Tell you, Lighthouse is one of the best churches. Vous vous dites que Lighthouse est l'une des meilleures églises. I'm surprised when people are criticizing me. I say, but this church, when you go there, they are doing the same thing. Je suis surpris quand les gens nous critiquent. Parce que quand tu vas dans telle église, you'll find la même chose. In another church. Tu trouveras les mêmes personnes dans une autre église. Even in your church, you say you are going to. Même dans ton église où tu dis que tu vas, il y a aussi ces personnes là-bas. Yeah. Everywhere. Partout. They are the same. Nous sommes les mêmes. Wow. Are you blessed? Êtes-vous béni? It's a good church. C'est une bonne église. Yeah. If you don't like it, it means that there's something wrong with you. Si tu ne l'aimes pas, c'est quelque chose qui ne va pas avec toi. Yeah. And it's not everybody who will like the church. Et puis c'est pas tout le monde qui va aimer l'église. Yeah. Wow. Hallelujah. Amen. Amen. We always tell people, if you want to leave the church, leave quietly. Nous disons toujours aux gens, si tu veux quitter l'église, quitte en silence. Quietly. En silence. Don't spoil it. When you don't like it, so go. Si tu n'aimes pas, c'est pas grave, va. But those who like it to come, don't corrupt them. Mais ceux qui veulent venir, ne les corromps pas. Oh? Ou bien? Yeah. I get surprised. Oh, but you are going. We haven't forced you. You can go. You can go. Juste bon surpris. Tu dis que tu parles. On te force pas. Don't stop them from coming. Mais ceux qui viennent, ne les empêche pas de venir. Huh? Richie. Richie, yeah. C'est pas vrai. If you don't like, somebody like. Si tu n'aimes pas, quelqu'un va aimer. Don't like somebody like. Si tu n'aimes pas, quelqu'un va aimer. Yeah. Like, see, beloved. So I don't like you. You go. Somebody like. Okay. Vous voyez les bien-aimés par exemple. Il va dire, oh, je ne t'aime pas. Tu vas partir. Quelqu'un va l'aimer. Always, if you don't like somebody like, everything. Toujours. When you go to a shop. Quand tu vas dans une boutique. And you are buying a pair of shoes. Et tu achètes une paire de chaussures. They will show, oh, this one is not. No, I don't like. Okay. Tu vas, on va te dire ça, c'est joli. Tu vas dire non, somebody je n'aime pas. Come and like it. Quelqu'un va venir l'aimer. Ce sont des principes simples de la vie. Wow. I'm blessed. Anakazo. Je suis béni. Are we going to be Anakazo people? Alors nous aider des personnes Anakazo. Anakazo people are can do people. Les personnes Anakazo sont des personnes qui peuvent faire. Hein? Philippiens chapter 4 verse 13. Philippiens. Philippiens 4 13. Let's read this verse and we close. Lisons ce verset, nous allons terminer. Yeah. Anakazo people can do people. Les personnes Anakazo sont des personnes qui peuvent faire. It's a can do girl. Anakazo boy is a can do boy. Une fille Anakazo, c'est une personne qui peut faire. Yeah, Anakazo. Anakazo. Je peux Hallelujah. Le faire. Hallelujah. Amen. C'est Philippiens 4 verset 13. Il dit, I can do all things through Christ which strengthens me. Philippiens 4 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hallelujah. Amen. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? If you look at your own efforts. Si nous regardons à tes propres efforts. We can't do it. Tu ne pourras pas le faire. Yeah, you feel that you can't do it. Tu vas dans l'impression que tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Quand tu regardes à toi-même. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu, je peux le faire. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Amen. Can do it. It's possible. Amen. Je peux le faire, c'est possible. Ça, c'est une personne Anakazo. Let me try. Anakazo person. Let me try and see. Que j'essaie pour voir. Why not? Anakazo say, why not? Une personne Anakazo va dire, pourquoi pas? We can do it. We try and see. Nous allons essayer, ou bien. Why not? Pourquoi pas? It's possible. C'est possible. Anakazo person will say it's possible. Une personne Anakazo va dire c'est possible. It's possible. C'est possible. Yeah, that's what Lighthouse says. Oh, it's possible. Voilà pourquoi Lighthouse dit c'est possible. We can do it. Tu peux le faire. We can try it. Tu peux l'essayer. We can go. Nous pouvons aller. We can you go? Yeah, I can go. Peux-tu aller? Oui, je peux aller. Yeah. Hallelujah. Amen. So now change the way you change your mind. Donc maintenant change ta pensée. You can do it through Christ. Tu peux le faire par Christ. Through Christ. Par Christ. Yeah, you can sing. Tu peux chanter. Why not? Pourquoi Why not? Pas? Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Yeah. That's the fight that I have with Brunel all the time. Ça c'est le combat que j'ai avec Brunel tout le temps. Brunel. So oh, this one. Say, why not? Elle va dire oh mais ça là et je vais dire pourquoi pas. She'll say, oh no, oh pastor. I say why not? Elle va dire oh pasteur pourquoi et je vais dire pourquoi pas. Essaie. Yeah. You say oh instrumentalists are not there. I say why not? Tu vas dire oh les instruments ne sont pas là. On va dire pourquoi pas. Essaie, on verra. So, oh, this person didn't come. No. Il dit, oh, cette personne n'est pas venue. Ooh, try and see. Même si la personne n'est pas là, essaie, on verra. Oh. Ou bien. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Why not? Pourquoi pas? Why not? We can sing it. Pourquoi pas? Nous pouvons chanter. We can dance. Nous pouvons danser. Yeah, we can dance. Nous pouvons danser. Yeah. Is it possible? We can come to church. Why not? Tu peux venir à l'église, pourquoi pas? Oh, pass the exam. Nous pouvons passer l'examen. Pass the exam. Nous pouvons passer l'examen. Oh. Ou bien? That's cool. You speak English. Tu parles l'anglais. Why not? Pourquoi pas? Oh. Parle. Can't you speak? You can speak. Peux-tu pas parler? Tu peux parler. You can speak. Tu peux parler. It's because you are telling yourself that you can't. C'est parce que tu te dis à toi-même que tu ne peux pas. That's why you cannot speak. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler. If you say why not, you see that. Yeah. Mais si tu te dis pourquoi pas, tu verras que. I can do it. Je peux le faire. Okay. Let me start. Ok, donc que je commence et je verrai. Est-ce vrai ou faux? Yeah. We have a great God. Nous avons un grand Dieu. Don't make it a small God. Ne le rends pas petit. Don't make it a small God. Ne le rends pas un petit Dieu. Hallelujah. Mais, are you blessed? Êtes-vous béni? Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. I can be a good wife. Je peux être une bonne femme. Wife. Can't you be? You can be yes. a good wife. Yes. Why not? I can be a good husband. Je peux être un bon mari. Oh? Ou bien. Yeah. I can. Why not? Why not? Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Yeah. I'm beautiful. Je suis belle. Why not? I'm beautiful. Pourquoi pas? Je suis belle. Why you say I'm not beautiful? Pourquoi est-ce que vous dites que je ne suis pas belle? Je le suis. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. Wow. It's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. So Sunday, are you going to Anakazo somebody? Donc dimanche, vas-tu à Anakazo? Why not? Pourquoi pas? Why not? Who is saying that it's not possible? Qui a dit que c'était impossible? Who said it? Qui l'a dit? Who said it? Qui l'a dit? It's possible. C'est possible. Yeah. C'est possible. Yeah, I can find somebody and bring it. Je peux trouver quelqu'un et l'amener. Because a lot of times, you see, people when you ask people to do a lot of things, the moment you say it, that 90% of people say no, it's not. Yeah, I can't do it. Parce qu'il y a plusieurs reprises, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, au moment où tu le dis, 99% des personnes vont penser non, je ne peux pas le faire. Yeah, a lot of people. So there and there, they will kill the idea. Donc de sur le coup, ils vont tuer leur leur idée. There are some people like that. Il y a des personnes comme ça. Yeah. A lot of people. Beaucoup de personnes. Yeah, they will say that, oh, I can't do it. In their mind, they will say that I can't do it. Dans la pensée, ils vont dire, oh, je ne peux pas le faire. In their mind. Dans la pensée. They won't tell you. Ils ne te diront pas. Wow. Don't be part of those people. Ne fais pas partie de ces personnes. Those people, they will not go anywhere. Parce que ces personnes n'iront nulle part. Yeah. They will not succeed. Ils ne vont pas réussir. So you will miss a lot of opportunities, a lot of blessings. Parce que tu vas rater beaucoup d'opportunités. Just by telling yourself that it's not possible. Et de bénédictions en disant que ce n'est pas possible. Wow. Yeah. So Sunday, donc dimanche, nous allons anakazoer quelqu'un. Let's go to church. Allons-y à l'église. And say it with confidence. Et dis-le avec confiance. Confiance. Yeah. Say it with confidence. Avec confiance. I'm taking you. Je t'emmène à l'église. We are going. Nous y allons. Yeah. We are going to church. Nous allons à l'église. You have to go to church. Tu dois aller à l'église. You have to go to church this Sunday. Tu dois aller à l'église ce dimanche. C'est important. It's your life. C'est pour ta vie. It's not for me, it's for you. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Huh? Ou bien. You make it very, very important, necessary. Tu rends ça nécessaire. Necessary. Nécessaire. That's only your life. Tu gaspilles ta vie. That's for, go to church. Va à l'église. Yeah. And let God organize your life for you. Et laisse Dieu organiser ta vie pour toi. Speak with confidence. Speak about the things that you know, your salvation. Parle avec confiance des choses que tu connais sur le salut. Yeah, people will not listen to you if you are not confident about what you are saying. Les gens ne vont pas t'écouter si tu n'es pas confiant sur ce que tu dis. Yeah. Hallelujah. Do you hear something? Est-ce que vous comprenez? Yeah. People will not take you serious if you are not serious about what you want. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux si toi-même tu n'es pas confiant de ce que tu veux qu'ils fassent. Wow. Wow, we have to go. Nous devons partir. Are you blessed? Êtes-vous béni? Are you blessed tonight? Êtes-vous béni? Anakazo biazo. Anakazo biazo. Anadea. Anadea. Yeah. Now when they ask, oh, what's Anadea? Maintenant quand on te demande c'est quoi Anadea? C'est Luke chapter 11 verse. Tu diras Luc 11 verse 8. Verset 8. 2 to 8. Okay. 2 à 8. And then Biazo, Matthew chapter 11, verse. Et Biazo, Matthieu 11, verset 11. And Anakazo, Luke chapter 14, verse. Luke 14, verset 23. Compare. Contraindre. Wow. Wow. Please stand to your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. Wow. I think that we all need to rise up. Je pense que nous devons tous nous lever. Rise up and then apply anakazo. Nous lever et appliquer anakazo. Hallelujah. Amen. In your house you need to rise up. Dans ta maison, tu dois te lever et l'appliquer. Amen. Amen. Yeah, apply anakazo, apply biazo. Appliquer anakazo et biazo. You see that there will be a change in our life. Tu verras qu'il y aura un changement dans nos change vies. In your personal life. Un changement dans ta vie personnelle. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, you can rise up and pray. Tu peux te lever et prier. Force yourself and pray. Te prier, te forcer à prier. Hallelujah. Amen. I think that's what we need. We need force. Nous avons besoin de ça, de la force. Nous avons besoin de force. Hallelujah. Amen. We need force. Nous avons besoin de force. We need force. Nous avons besoin de force. A lot of people we are too down. Beaucoup d'entre nous sommes trop faibles. You are not weak, but you made yourself weak. Tu n'es pas faible, mais tu te rends faible. Like there's nothing you can do. Comme s'il n'y avait rien que tu pouvais faire. Rien ne va marcher. Like mais tu n'es pas comme ça. Oh? Ou bien you're not like that. Tu n'es pas comme ça. like that. I'm not like that. Je n'ai pas comme ça. Ah. Just close your eyes and thank God. Ferme tes yeux et remercie Dieu. And pray that God will make you a man or a woman of Anakazo. Et prie que Dieu fasse de toi un homme ou une femme d'Anakazo. A man of Biazo. Un homme ou une femme de Biazo. Violent with the kingdom. Violent avec le royaume. Violent with the things of God. Violent avec les choses de Dieu. Force with the things of God. La force avec les that choses God de Dieu. Will make you que Dieu fera de toi. Force. Une personne de force. A person of Biazo. Une personne de Biazo. A person who is not shameful. Une personne qui n'a pas honte. A person who's uses anadeia. Une personne qui utilise anadeia. For the things of God. Pour les choses de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, prie. God will make you somebody who is an anakazo, who compels himself. Que Dieu fera de toi une personne qui se contraint pour faire les choses de Dieu. Au nom de Jésus, prie. Prie, Dieu te fera de toi. Dieu fera de toi. Sans Biazo, tu ne peux pas rentrer au royaume. Tu ne peux pas recevoir certaines bénédictions. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas avoir certaines opportunités. Tu seras à une seule place. Tu ne vas pas avancer. Mais avec Biazo, tu peux bouger. Tu peux bouger par la force. Tu peux essayer pour faire le mieux que tu pourras. Tu peux essayer de prier. Tu peux te forcer pour jeûner en tant que chrétien. Au nom de Jésus, prie. Oh Father, we thank you. We thank you. We thank you for Anakazo, Lord, that we can compel ourselves. We can necessitate, and the people around us, we can compel them. We can constrain them to serve God. In the name of Jesus, Father, we pray, Lord, make us people of Biazo, of Anadea, who are not shameful, Lord, of spiritual things, Lord, who serve you. By Biazo, in the name of Jesus. Father, we thank you. We bless you. We honor you, Lord. We give you the glory in the name of Jesus. And everyone say, Amen. Hallelujah. Before we sit, I want to pray for you. Avant de s'asseoir, je vais prier pour if toi. You are here, si tu es ici, and you haven't given your life to Christ, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. The Bible says that without salvation, la Bible dit sans le you salut, cannot see the kingdom. Tu ne pourras pas voir le royaume. Without being born again, sans être né de nouveau, you cannot see God. Tu ne peux pas voir Dieu. And tonight, you heard the word and you believe. Et ce soir, tu écoutais la parole et tu as cru. You believe that Jesus is the Savior. Tu crois que Jésus est le Sauveur. That Jesus was sent to save us. Tu crois que Jésus t'a envoyé pour nous sauver et pour te sauver. He gave his life to save you. Il a donné sa vie pour te sauver. And tonight, we want to confess him. Et ce soir, tu veux you le confesser. To give your life to him. Tu veux lui donner ta if vie. Here, lift up your hands, si tu es ici, lève ta main et prions. Before we go, avant de partir. Before we go, you avant want de partir. To pray with you. Tu veux que nous prions avec before toi. We go. Avant de partir. Father, we thank you tonight. We bless you, Lord. We give you glory for your word. Father, we pray that you make us strong. You give us the inner strength to force ourselves to do your will. Father, we thank you. We bless you. So, Lord, may we not be shameful in the name of Jesus. Father, we thank you and bless you. As we go from here, Father, I pray that, Father, we'll be protected, we'll be guarded, we'll be blessed, Lord. Your spirit will go with us. And this week, we'll be blessed the rest of the week in the name of Jesus. Father, we thank you and bless you. And everyone say, Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît.